Géraldine Mosna-Savoie, dans votre carnet de philosophie, vous nous faites part du coup de fil que vous avez reçu il y a quelques jours de votre banquière. Mais alors là, c'est vraiment sans transition, hein, Guillaume. Donc d'abord, inquiète. C'est ça. Bah, voilà, c'est ça. Matins, bah, écoutez, il y a de tout dans la vie. Je vais assumer ça. Il y a des perpes. Il y a des perpes, surtout pour moi. Alors d'abord, inquiète, j'ai tout de suite été soulagée puisqu'il s'agissait en fait donc de me proposer la toute nouvelle offre de PERP, plan d'épargne retraite populaire. Alors j'ai découvert le monde merveilleux à ce moment-là de la rhétorique bancaire, celle-ci ne se réduisant pas du tout à des chiffres mais revêtant les plus beaux atours de la langue. Velours, tonique croissance, oriséo, tels sont quelques-uns des noms que j'ai trouvés en allant fureter sur les différents sites de banques. Assez fasciné, je dois dire, par le fait qu'on ne se contente pas de nommer un plan, retraite, épargne, jeune ou assurance, mais qu'on le rende attractif et même poétique par un titre évocateur. Parmi ceux-là, et hormis le tonique croissance, qui selon ma mère n'a rien de très tonique, j'ai ainsi retenu cachemire, cristal, mosaïque, avec une mention spéciale pour le sobrio et le capsule avec un capsule, K. Capsule? C'est pas très sérieux. Non, avec un K et sans E. Cela poussant toujours plus loin ce qu'on appelle l'arbitraire du signe et soulevant ainsi cette question essentielle, pourquoi ça et pas rien? Ben oui, pour répondre, si vous voulez nous faire une rapide typologie de ces noms de plans bancaires. Alors d'abord, il y a ceux qui font référence à des matières, par exemple cachemire, velours, cristal, soit j'imagine la promesse de la douceur, du confort, où on peut y aller les yeux fermés, ou au contraire, en ce qui concerne le cristal, la promesse de la transparence, de la clarté, où on peut y aller, dirons-nous, les yeux mi-clos, sans trop avoir peur de se faire avoir. Ensuite, il y a ceux qui font référence à un certain type de comportement, attendu moins du détenteur du compte que du compte lui-même. Tonique croissance, ça c'est pour les téméraires, ou sobrio pour ceux plutôt tendance Pierre Rabhi. Si vous voulez. Et enfin, il y a ceux dont on ne comprend pas la référence, capsule, mosaïque, qui, il faut le noter, n'ont pas seulement aucun référentiel réel, mais aucun lien avec l'orthographe. Capsule, comme je l'ai dit, prenant un K et pas de E, et mosaïque prenant un C. Bref, de ces trois types, ce qui est frappant, c'est la manière dont l'objet en question, en l'occurrence un compte bancaire, est complètement perdu de vue, recouvert par des sens et des sons, mais qui, et c'est tout le paradoxe, ne sont pas pour autant déconnectés des intérêts de l'usager. L'intérêt que l'individu trouve à quelque chose est la réponse déjà donnée à la question s'il faut agir et ce qu'il y a ici à faire. Ça, c'est pour la définition de l'intérêt donné par Hegel, quand même, dans sa phénoménologie de l'esprit. Et tout est dans ce déjà donné, la réponse déjà donnée. L'intérêt, c'est donc la réponse déjà donnée, celle qui, justement, n'a pas besoin d'être formulée, énoncée, puisqu'en fait, on connaît d'emblée l'intérêt qu'on a à faire telle ou telle chose. Ce qui se produit avec l'ouverture d'un compte bancaire. Voilà, peu importe le nom qu'on lui donne. La question se repose donc bien, pourquoi donner de tels noms à des plans d'épargne ou autres, si de fait, on en a besoin ou on y a intérêt? Qui gagne-t-on littéralement? Ou que pense-t-on y gagner? Alors évidemment, rien en tant que tel. Cachemire, velours, tonique ne sont pas des garanties et personne n'est réellement dupe. Néanmoins, et c'est là où le marketing, car il n'est question que de ça, éclaire et gueule, ces noms, en plus, superflus, arbitraires, sont là pour énoncer l'intérêt qui jusque-là a été déjà donné. Autrement dit, se passer de mots et de justifications. Et c'est d'ailleurs le problème de tous ces noms. Pas qu'ils soient absurdes, parce qu'en cela, ils ont quelque chose de poétique qui laisse presque rêveur, pas qu'ils révèlent le vide du marketing, non pas du tout, mais au contraire parce qu'ils tentent de nous rassurer. Tentative toujours suspecte, car de quoi être rassuré? Pourquoi avoir besoin de velours ou d'une capsule quand, soyons honnêtes, on ne veut pas d'une ambiance, mais de l'argent?